bienvenue dans l'Instant Groove. C'est une heure de découverte de la musique électronique, de la house music, du dub à la techno, en passant par les synthétiseurs qui vont faire frissonner de la tête aux pieds. C'est un invité à chaque émission qui vous fera découvrir son univers en live. Et aujourd'hui, j'accueille Artst de Nancy. Bonjour Artst, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Nathan, merci, ça va très bien, merci pour l'invitation. C'est le début de cette nouvelle saison de l'Instant Groove et je suis bien sûr toujours accompagné de ma co-animatrice Lucie. Bonjour Lucie, comment vas-tu aujourd'hui? Eh bien ça va très bien, merci, je suis très contente de vous retrouver pour cette rentrée musicale. Eh bien c'est parti, Kéliane, que vas-tu nous proposer aujourd'hui? Alors on va faire un set assez progressif, on va partir en techno 140, un peu tranquille. Peut-être pas pour certains, oui, mais... voilà. Et puis on va augmenter un petit peu pendant une heure. Alors il faut savoir, chers auditeurs, que nous sommes lundi, et 140 BPM lundi, ça va être génial. Artst, c'est à toi. Merci. Yeah. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as commencé à jouer la musique ? Alors, j'ai commencé en, je dirais, 2018, je crois, vers mes 18 ans. Je voyais des potes faire ça. À la base, j'ai commencé sur des machines, des Korg, des Roland, pas mal de synthés. Et je m'y suis mis assez rapidement. Au bout d'un an, non, j'avais déjà quelques dates. J'ai tout de suite joué à l'Anvers Club à Nancy. Parce que j'avais les bonnes connaissances. Ça aide. Même si je réécouterais maintenant, je pense que ce serait pas terrible. Mais on m'a fait conscience assez rapidement et ça, c'était super cool. Et non, après, j'ai commencé à découvrir un peu plus le mix un an après. Là, j'ai totalement laissé tomber les machines parce que j'en avais plein, j'arrivais plus à coordonner tout ça et je voulais un truc un peu plus facile. Fallait arriver en soirée, prendre une 30 minutes à se brancher, c'était pas facile. Et non, maintenant le mix à fond, je fais pas mal de prod sur Ableton là depuis, je m'y suis remis depuis 6 mois et j'ai rien sorti encore parce que je suis dans le projet de sortir un EP. Tu pourras nous en parler un peu plus tard, ouais, avec plaisir. Et d'ailleurs, tu t'as dit, j'ai repris Ableton depuis 6 mois, donc tu as commencé avant, tu dirais que tu as combien d'expérience là sur Ableton? Ah, sur Ableton au début j'ai commencé, mais... Oui, bah comme tout le monde. Voilà, c'était juste comme ça. Et là, je m'y suis vraiment mis à fond depuis 6 mois, quoi. Ouais. Et vas-y. Qu'est-ce qui t'a poussé, du coup, à commencer la musique ? Je suis un amoureux de la musique en général, j'adore ça. Pas du tout que la techno. En ce moment, j'écoute beaucoup de rap, mais du rock, de tout. Juste, je suis amoureux de la musique en général. Je pense que c'est mon père qui m'a transmis ça, quand même. Il m'emmenait à pas mal de concerts quand j'étais jeune. J'ai musicien un peu ? Pas du tout, mais fêtard peut-être. Fêtard, ouais. Non, il m'a amené chez Narcisse, au Val d'Ajol, des trucs comme ça. Donc j'ai tout de suite aimé cette ambiance de live, de foule et la passion que ça peut déclencher, la musique. Je trouve ça génial. Et dernière question avant de reprendre. Quelles sont tes influences musicales majeures du coup ? T'as dit que tu aimais un peu tous les styles, mais est-ce qu'il y en a une en particulier ? J'aime tout. Bah, je suis plus moi sur la techno forcément, mais... techno en général. Et puis après, ça fait dans mon style, j'évolue depuis quelques années là-dessus, en passant un peu plus par l'art techno. J'adore jouer de la house aussi, quand c'est l'été, que le soleil revient. J'adore ça, donc on reste quand même sur la techno en général. Ça marche. Et ben, qu'est-ce que tu vas nous faire là, du coup ? Là, on enchaîne tranquillement, on va augmenter un petit peu. Ah, voilà. C'est crescendo. Et ben, chers auditeurs, nous sommes toujours avec Arxt sur Radio Fadjet. We'll be right back. chers auditeurs, vous êtes toujours sur l'Instant Groove et non pas dans un club à 4h du matin, car on pourrait s'y laisser croire. Ça m'a fait danser comme un petit fou. J'apprécie vraiment ce que tu fais. Merci. Il y a des parties où vraiment, il y a un moment, il y a eu un silence et c'est reparti sur un beau drop. Ouais. J'ai adoré. C'était quoi la musique de... Celle d'avant, alors moi je suis un... Attends, moi je suis un expert pour ne pas connaître le nom des trucs. Nickel. Que je joue. Mais eh vraiment, bah, vraiment, t'embêtes même pas en fait. T'embêtes même okay. pas. On est comme à la maison, tu vois, tu viens de me dire un truc, tu vois, on est dans le salon. Et je suis pareil que toi, donc je te pardonne. Merci. Je te pardonne. Ah bah, je digue énormément de sons et bon, y a des artistes que j'adore et je vais connaître ce que je joue, hein, mais des fois je trouve des trucs que je saurais jamais quel nom c'est. On est d'accord. J'ai une question que j'adore, c'est ton nom, c'est Arxt, qui est un peu dur à prononcer, on en rigolait derrière. Tout à fait. Pourquoi ? Alors pourquoi ? Parce que ça veut dire docteur en allemand et que potes m'appelaient souvent docteur avant dans mon passé. Donc voilà, ça vient de là, je voulais trouver, je cherchais et j'ai trouvé ça, je me suis dit il y avait quand même une petite signification. Ah mais tu... Donc voilà, ça vient de là. Je pensais que tu avais perdu justement ce côté docteur et en fait bah, déjà, tu viens de m'impressionner. C'est même. Ça. Arts veut dire docteur en allemand. Voilà. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter sur un T7 ? Bonne ou mauvaise, on prend l'exclu. J'ai pas d'anecdote particulière, hein, mais après, ouais, j'ai fait des sets où j'ai pu totalement me foirer. Hein, c'est bon. Non, je me suis dit ça. En vrai, j'ai toujours eu de la chance d'avoir du monde quand je jouais, quand même, un minimum. J'ai eu. Ouais, non, j'ai pas d'anecdote particulière là-dessus. J'y ai réfléchi en plus, mais j'ai rien de particulier. Si, des fois où j'ai trop bu ou. Moi, je crois que j'en ai eu. Et où j'ai abandonné un coup, un set un peu en cours de route. Ça, voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent, mais dans là, la ça m'est arrivé une fois. Là, tu viens de raconter les mauvaises, mais tu m'en as raconté une très bonne dans la voiture, aux trois petits points. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'aime bien. Autant j'ai joué devant quand même pas mal des dates avec pas mal de monde, mais ce que je préfère, c'est les petits trucs assez intimistes où on est au même niveau que tout le monde et pas sur une scène où il y a les gens à un mètre devant. Et même s'il n'y a pas beaucoup de gens, on va être 30, 50 et c'est les meilleures expériences. Quoi. J'ai mixé un coup pendant 4 heures. J'étais là, je suais sur les platines. Je crois, ouais, non, c'est des bonnes expériences. Quand on est là au milieu que tout le monde, il y a vraiment une énergie qui se développe. Je trouve ça assez cool, plus que quand on est sur une scène à 5 mètres des gens. C'est quand même moins sympa. Je suis d'accord avec ça. Voilà. On va pouvoir continuer crescendo avec Art sur Radio Fadjet dans l'Instant Groove. Auditeurs, vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec Arstoplatine et toujours ma co-animatrice Lucie sur Radio Fadjet. Actuellement, moi je suis autour d'un feu dans une petite forêt et j'entends des chants un peu balkans autour de moi et je danse. Merci beaucoup, c'est hyper agréable. Dommage qu'il fait encore un peu jour dehors, mais c'est hyper intéressant. Même comme ça, moi j'apprécie énormément. Alors, j'ai complètement zappé parce que je suis dans une forêt là, ma question. Si un jour tu avais un artiste avec lequel tu voudrais collaborer, lequel serait-il ou elle? Il y en a beaucoup, mais en particulier je pense que je connais, que j'ai déjà rencontré, ce serait Jassy Derex, parce que c'est quand même... Bon, j'en ai fait pas mal d'apéros ensemble maintenant, j'ai eu cette chance là, mais c'est un artiste qui pour moi, c'est quand même vraiment, on va dire que c'est vraiment lui qui m'a donné envie de mixer, et vraiment dans ce style quand même. Lui, avant, quand j'étais plus jeune, j'allais en free party, et lui, il a réussi à trouver le truc, le son qui va rassembler les gens de la free party, qui va rassembler les gens des clubs autour de la même musique, parce qu'il est dans un juste milieu entre les deux, je trouve, avec pas mal d'acide. Des c'est gros kicks quand même, et ça, je trouve qu'il a toujours réussi à rassembler les deux, et il fait ça vraiment super bien. Incroyable. Puis maintenant, il joue sur les plus gros festivals, sur les plus gros trucs du monde. Donc, et ben on enchaîne justement. Si toi, t'avais l'occasion de jouer dans un endroit un peu idéal, rêvé, ça serait quoi? Alors malheureusement c'est un lieu où on mixe pas de la techno, mais ce serait à Ozora, c'est le paradis de la psytrance en Hongrie, mais l'endroit est tellement magnifique. Moi j'aime pas, je suis pas un grand fan de trance, j'en écoute pas tous les jours, mais par contre quand je suis là-bas c'est un régal quoi, le lieu, s'il y a une connexion avec tout le monde, le lieu est magnifique, j'adorerais mixer là-bas. C'est rigolo, le lieu, il y a une forêt ou pas, parce que... Il y a une forêt, oui. On va enchaîner quand même avec une petite question. Quel est pour toi le meilleur morceau que tu joues aujourd'hui, tu penses? Un que t'as sélectionné, tu t'es dit celui-là, c'est mon préf, quoi. Sur aujourd'hui, il n'est pas encore passé, ça va être peut-être... un petit son de carve, peut-être, avec pas mal de voix, comme ça, un peu ethnique aussi. Trop bien. Et en vrai, grosse art techno, un son de carve qui s'appelle Brembo, je crois. Ouais, c'est un des seuls noms que je connais que je joue ce soir, donc on va dire que c'est lui. Trop bien. Voilà. Eh bien, chers auditeurs, nous sommes toujours sur l'Instant Groove avec Arts et ma co-animatrice Lucie, et c'est reparti pour de la bonne basse. We'll be right back. changement. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove et je suis toujours avec Arts et Lucie. Alors, comme vous le savez, je suis un grand gourmand de musique, mais pas que. J'ai un estomac énorme et j'aime beaucoup mélanger la musique avec la nourriture et aussi la boisson. Avec quoi se marierait le mieux pour toi à ce set que tu nous fais aujourd'hui? Un petit jet de vodka Perrier. Donc ça, c'est pour le plat et ensuite la boisson. Non, jet de vodka Perrier, c'est bien. Hein. Pour la boisson. Ouais, pour la boisson. Ok, jet de vodka Perrier, ok, pas mal. Puis, c'est bien. Je bois que ça. Et pour la nourriture, un pour plat. La nourriture, une petite quiche Lorraine. Ah. Ou une tourte au Munster pour rappeler les Vosges un peu. Ouais. Okay. En lendemain de soirée, c'est bien. Je comprends. Il faut boire de l'alcool avec modération. Lucie. Est-ce que tu peux nous parler de ta prochaine soirée? Prochaine soirée. Alors j'en ai plus sur le mois de septembre. J'ai des dates en novembre à Metz. On m'invite souvent à jouer à Metz en ce moment. Pas mal. Une salle qui est au-dessus du Kinépolis. J'ai oublié le nom, c'est un peu débile. C'est pour Kane Event, il m'invite souvent à jouer. Et puis j'ai une petite salle sympa, il y a 200 places. J'y ai joué il y a 2 semaines et c'était super good vibes. Trop bien. C'était pas full du tout, mais il y avait une putain d'énergie. Et... Alors, faut pas trop dire gros mots à la radio, peut-être, je sais pas. Mais non, c'était grave cool. Et j'ai quelques dates pour l'instant, mais vu que je recommence seulement vraiment là à me motiver sur la musique, c'est encore. Je dois avoir une ou deux dates un peu tous les mois là, mais ça commence seulement à se remplir un peu. Voilà. Et à Metz, c'est où? Metz, c'est où? La salle. J'ai un trou de mémoire, je serais. Non, mais c'est pas grave. Dire juste après. Et vous cherchez Kenny Evans sur Facebook, vous trouverez cette date. Une petite. Encore, on va poser plein de questions là, on y est. Hein. Quel est ton petit plaisir coupable en musique? Ah, mon petit remix coupable, ça va être les remix bien pourris des fois. J'aime bien toujours passer un petit remix, je sais pas, j'ai des trucs dans mes clés, des remix de Britney Spears, genre Nelly Furtado, des trucs comme ça qui marchent quand même bien en art techno. Les gens connaissent tous les paroles des fois, donc c'est assez rigolo. Ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais comment tu décrirais, si t'as des fans, comment tu les décrirais? As-tu des fans qui te suivent depuis le début, ta famille, des amis? Quelle question. Forcément, j'ai des personnes qui me suivent depuis le début. Trop bien. Et qui sont là pour moi, qui me motivent et qui m'ont toujours motivé. Ça fait toujours plaisir. Il y a plein de fois où j'aurais arrêté, je pense, mais il y a toujours des copains pour nous motiver, c'est sympa. Là, t'as un petit mot à leur dire. Là, tu leur dirais quoi, la radio? Merci beaucoup. Hein. C'est simple, efficace. Ouais. Sur quelle plateforme on peut retrouver ce que tu fais? Là pour l'instant je suis sur SoundCloud. Je vais bientôt quand je vais sortir mon EP, je vais essayer de faire ça et de les mettre sur Spotify, Deezer si possible, pour qu'on puisse me retrouver un peu sur toutes les plateformes, ce serait pas mal. Ouais. Du coup Arzt, c'est ça? C'est ça, Arzt. A-R-Z-T. On a un petit truc pour terminer l'émission, je te laisse. On aime bien avoir un petit mantra ou une petite phrase pour motiver, ouais. Ouais. Une devise. Ouais, j'y ai réfléchi, mais ça, j'en ai pas. Mais, il n'y a rien qui te porte en ce moment, même? En ce moment, non, je sais pas. J'ai vraiment réfléchi à cette question, mais je suis pas doué pour trouver ce genre de réponse un peu philosophique, c'est pas mon truc. J'ai réfléchi, mais j'ai rien qui me vient là-dessus. Y a pas de Et soucis. Toi, c'est quoi ton mantra, Nathan? Mon mantra maintenant, c'est celui de Tom Baker, qui était venu à l'émission. C'est prendre le temps de prendre le temps. Voilà. Ouais. C'est celui-là que j'aime bien en ce moment. Ouais, c'est pas con. Bon, je vais mettre un petit G7. Non, je rigole. Arzt, je te remercie énormément. C'est pas terminé. Il nous reste encore une douzaine de minutes avec toi. Et te laisser t'exprimer ton art pendant ces 12 dernières minutes. Je suis honoré de commencer cette saison avec toi et avec Lucie, toujours bien accompagnée. Bah, merci d'être venu et vivement que tu sortes un EP pour revenir encore dans l'émission. Merci. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove et c'est Arzt. flying like a dragon I never ever seen.